Silence. Darkness. Je veux pas être un raté qui paraît perdu, marqué par le vécu, largué par le manque d'écu. Je veux pas m'attarder, me planter, être déçu, mater les gens dans leur bonheur et être ému. Je veux pas être perçu pendant du RMI ou la main tendue et plus personne m'accoste. Je veux pas être un autre pour qu'on m'apprécie. Je veux pas faire de faute, faut que je sois précis. Je veux finir la tête haute et puis bouger sur des yachts avec des gardiens, mes potes hôtes, le bouchon du champagne, être au top, fumer la top 44 et une villa sur la. Je veux soigner ma famille, que mon étoile brille, j'en quitte pour les miens, tout le monde s'inquiète. Je veux payer les bis, je veux plus être un chien, trop sain, du malsain, me taper des crises. Je veux tout ce dont j'ai besoin, c'est le trou noir dans ce couloir, tout vouloir me laissera sur ma faim. Dans ce foutoir, se mouvoir, il faut bien, je détiens le pouvoir, mais on peut voir le destin. Sage.